Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Que doit-on à César ? La civilisation et l'écriture, la Gaule et la paix, les routes et les campagnes, Alésia et la victoire ? À défaut du Debello Gallico, que devons-nous à Carcopino ? Une loi sur l'archéologie, une adhésion au régime de Vichy, peut-être Pétain à Gergovie, la prison comme Vercingétorix, la grâce puis l'immortalité académique. Un César surtout, sur lequel sera centré ce Salon Noir. Seuls deux archéologues, Christian Goudineau ou Jean-Louis Bruneau, étaient à même de pouvoir traiter d'un tel sujet, César. Parce qu'il publie beaucoup, reçoit même des prix de l'Académie, mon invité Jean-Louis Bruneau, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, archéologue, proto-historien, découvreur des sanctuaires celtiques de la Gaule du Nord, vous avez lu et relu les classiques Posidonios, Pline, Strabon, Plutarque. Vous préfacez surtout aujourd'hui le Jules César de Jérôme Carcopino, republié aux éditions Bartilla. Jean-Louis Bruneau, arrêtons-nous un instant sur Jérôme Carcopino. Carcopino n'est pas n'importe qui dans le monde de l'Antiquité, de l'antiquisme. Un grand savant, membre de l'École française de Rome. Oui, il fait partie de ces grands maîtres du siècle passé, du XXe siècle. Donc, ces grands historiens et archéologues, un petit peu dans la lignée de Julian, donc, qui ont brassé un petit peu toutes les connaissances concernant l'Antiquité, donc qui ne s'arrêtaient pas à un pays particulier, ils ne s'arrêtaient pas à la Gaule, ils ne s'arrêtaient pas à Rome ou à la Grèce. C'est vraiment toute la Méditerranée qu'ils prenaient en écharpe, en quelque sorte. Carcopino, c'est aussi le ministre de Vichy dans le gouvernement d'Arlan, une loi sur l'archéologie, le numerus clausus des étudiants juifs. La France a été pétainiste, mais tout de même, un historien, un archéologue. Oui, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas si extraordinaire que ça. Est-ce que l'histoire pousse justement un certain nombre de ces maîtres à finalement dériver et à prendre des positions un petit peu autoritaires qui sont peut-être celles de leurs exemples historiques? C'est une question qu'il faut se poser. Mais visiblement, il y en a beaucoup. Enfin, on a lu, vous avez lu aussi le livre de Laurent Olivier. Il y a eu une adhésion du monde de l'archéologie, même à la collaboration forte. Oui, tout à fait, parce que l'archéologie est devenue, donc, dans ces périodes très troublées et très tristes, effectivement un moyen justement d'adhésion à une idéologie qui passait justement par une reprise en main du passé, une réécriture du passé. Et c'est parce qu'il avait écrit sur Rome, vous pensez, que Carcopino a adhéré si fortement au pétainisme, du moins dans un premier temps? C'est-à-dire qu'on peut se demander si effectivement la figure de César, sur laquelle évidemment il a travaillé, puisque le livre dont on parle aujourd'hui a été écrit en 1935, si cette figure n'a pas joué dans son adhésion à Pétain. C'est-à-dire que face à une situation très chaotique, l'idée d'un sauveur a pu lui traverser l'esprit. On peut se poser la question, effectivement. Alors, bien sûr, les archéologues connaîtront et connaissent parfaitement la fameuse loi Carcopino, qui régit d'ailleurs l'archéologie et qui a été votée en 1941. Oui. Il quittera le gouvernement au retour de Laval, sera interné en août 1944, d'ailleurs dans la même cellule que Sacha Guitry. En 1951, il est réintégré dans ses fonctions, devient immortel à l'Académie française en 1955. Que reste-t-il aujourd'hui de Jérôme Carcopino? Il reste beaucoup finalement, non seulement ce César dont on parle, mais un certain nombre d'autres ouvrages tout à fait intéressants qui peuvent paraître parfois un petit peu dépassés, ce qui n'est probablement pas tout à fait juste. Et on se souviendra surtout d'ouvrages comme Promenade dans le pays de la Dame de Vix, par exemple, qui est un essai tout à fait intuitif. Le mystère de la quatrième églogue de Virgile ou la basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, par exemple. Vous avez lu tout Carcopino ? Non, je n'ai pas lu tout Carcopino, mais ces ouvrages me semblent encore plein d'intérêt aujourd'hui. Et les pistes qu'ils ont ouvertes sont toujours praticables. C'est une belle écriture, on peut l'imaginer ? Ah, c'est une écriture assez curieuse. Elle est à la fois assez belle, effectivement, certainement dépassée, puisqu'elle est très, très traditionnelle, comme le personnage, disons. Et en 1935, on est à la fois historien, archéologue. Qu'est-ce que l'on sait sur César, sur les Gaulois ? Pas encore grand-chose, de fait. En 1935, non, on ne sait pas grand-chose sur la Gaule, ça c'est certain. L'archéologie n'avait pratiquement pas, enfin très très peu avancé. Et disons que Carcopino sur la Gaule, on savait guère plus que Camille Julian une trentaine d'années plus tôt, quoi. Alors, que sait-on de l'enfance de César, de son lignage, puisque cette émission du Salon Noir est centrée justement sur César, l'origine même? Finalement, l'origine de César, est, je dirais, elle n'est pas modeste, hein, puisqu'il est issu d'une vieille famille patricienne, mais son père était un personnage qui est mort un petit peu prématurément, mais qui visiblement n'était pas destiné à une carrière politique très importante. Il s'est arrêté à la préture, me semble-t-il. César était simplement le neveu de consul, mais il a surtout une mère qui était un personnage visiblement tout à fait extraordinaire, Aurélia, qui lui a donné une éducation tout à fait remarquable, extrêmement rigoureuse et extrêmement variée, qui portait non seulement sur les thèmes les plus importants d'une éducation, l'écriture, le grec, le latin, etc., mais aussi le sport, la nage, l'équitation, une éducation absolument complète. Sa mère serait issue d'un roi mythique romain ? Oui, alors ça, c'est ce qu'il prétend, c'est-à-dire qu'il... Et son père de Vénus ? Voilà, donc en jouant sur les mots, c'est-à-dire que les Julius, Julii, sont censés être descendants de Iule, le fils d'aîné. Mais avec ce genre d'étymologie, effectivement, on peut remonter très haut. Mais c'est vrai que ce patronage quasi divin, notamment Vénus, mais aussi Ancus Marcius, le roi légendaire, a certainement influencé César. Alors, une question, il s'appelle normalement Gaius Julius César. Pourquoi dit-on Jules César et non pas Gaius devant ? Cette perte de ce prénom ? Ça, c'est l'histoire de ces noms de personnages tout le long du Moyen-Âge et de la Renaissance. De même qu'on dit Tite Live en France alors qu'il s'agit de Titus Livius. Ça fait partie de leur histoire, leur longue histoire. Les mots se déforment et les noms des personnages historiques se déforment également. Alors, est-il prêt, dès le plus jeune âge, à cette grande conquête du monde ? Probablement, oui. Probablement, je pense que sa mère Aurélia l'a tout de suite influencé, parce que déjà, lui, il était patricien, donc il était du parti conservateur. Enfin, il aurait dû être du parti conservateur. Et très tôt, sa mère l'oriente vers le parti opposé, c'est-à-dire les popularestes, donc les gens de la plèbe, parce qu'elle-même était la belle-sœur de Marius. Donc Marius, le grand général, qui lui s'inscrivait dans la lignée des Gracques, donc ces populares qui avaient essayé de beaucoup œuvrer pour le peuple. Donc César, en quelque sorte, trahit ses origines sous l'influence de sa mère. Alors Alexandre le Grand le précède dans le temps, mais aussi dans l'âge, au niveau réalisation. Ça restera peut-être son modèle qu'il n'arrivera pas à dépasser ? Absolument, oui. La carrière d'Alexandre le Grand était beaucoup plus fulgurante que la sienne. Et c'est vrai que c'était son modèle à tel point qu'il essayait de lui ressembler même physiquement. Et c'est bien sûr des sortes de coups de chance absolument invraisemblables, ce qu'il appellera la fortuna, le passage du Rubicon, etc. etc. Oui, je dirais que c'est peut-être la principale caractéristique de ce personnage et de sa vie, c'est-à-dire qu'on lui attribue beaucoup de génie, notamment dans l'art militaire ou dans l'art de la diplomatie, ce qui est assez vrai, mais qui ne rend pas compte entièrement de sa personnalité. Ce qui est, à mon avis, le plus remarquable, c'est son intuition du moment, sa compréhension des circonstances et à chaque fois le choix qu'il fait qui est absolument judicieux et en même temps extraordinairement audacieux. C'est bien sûr, César, pour nous, le vainqueur des Gaulois. Mais n'est-ce pas plutôt le fondateur de l'Empire romain ? Si on regarde un peu de près, quand même. Il y a notre histoire nationale, mais il n'y a pas que notre histoire nationale. Votre formulation est tout à fait juste dans, dans son aspect synthétique. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le vainqueur des Gaulois, il y a beaucoup à dire. Et j'en ai dit quelque chose récemment à propos de mon livre sur Alésia. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut avoir des doutes. En revanche, le fondateur de l'Empire, on ne peut pas l'exprimer sous cette forme-là, mais disons qu'il est l'inspirateur de l'Empire et qu'Auguste a repris, en fait, tout le bagage intellectuel et administratif que César lui avait légué. En tout cas, il crée quelque chose qui va marcher, un système qui va marcher durant 5 siècles. Absolument. Qui s'arrête en 476. Oui, ça c'est effectivement, c'est la principale œuvre de César, ça. Est-ce que Jules César n'a surtout pas travaillé à sa propre gloire et sa gloire immortelle ? Oui, mais dans un sens très particulier, c'est-à-dire que c'est une gloire qui n'était pas seulement personnelle, mais comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, c'était pratiquement une gloire divine. Immédiatement, il s'est inscrit dans cette lignée quasi divine et donc il a entretenu le mythe que lui-même n'était pas un humain comme les autres. Et ça a marché. Les gens ont adhéré à cette... Parce que aujourd'hui, on est vraiment loin de César. Mais est-ce que les gens, les Romains, par exemple, ont adhéré de son vivant à ce genre de bien position? Bien sûr. Parce qu'il s'est tout de suite appuyé sur le peuple, qu'il a d'ailleurs vraiment choyé, comme on peut difficilement l'imaginer. Donc, toutes ces actions ont toujours été orientées pour le bien, enfin, le bien du peuple, mais... dans ces tendances, pas toujours les plus souhaitables. Donc les jeux, les banquets, les spectacles, etc. Et les dépenses d'argent absolument Les dépenses d'argent absolument inouïes. Et César, effectivement, s'est acquis la bienveillance du peuple dans un premier temps et ensuite une véritable passion. Et puis, dès son vivant, les historiens écrivent sa biographie. C'est le cas, par exemple, de Caius Oppius. Oui, ça, c'est tout à fait étonnant. Donc, qu'il n'est pas tant que ça quand on se penche sur le personnage, parce que c'est un personnage tellement riche, tellement divers, que je pense que de son vivant, on le voit notamment dans la correspondance de Cicéron ou même dans les discours de Cicéron, c'est quelqu'un qui attirait l'attention de tout le monde et qui posait des questions à tout le monde. Et on voit bien les tergiversations, par exemple, de Cicéron tout au long de sa carrière. Cicéron ne sait jamais où il en est avec César. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui intrigue. César sert aussi d'exemple aux princes et aux rois. On citera bien sûr Napoléon III, qui en fera d'ailleurs une doctrine. Le césarisme, c'est bien ça ? C'est ça. C'est quoi le césarisme ? Le césarisme, effectivement, c'est la position de quasiment d'un dictateur comme César, mais qui est arrivé par des élections plus ou moins légales et qui ensuite se transforme en une sorte de tyran qui s'appuie sur le peuple. C'est un peu la définition du littré, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur le peuple. Et c'est ce qu'a voulu faire Napoléon III ? D'une certaine façon, oui, d'une certaine façon. Mais il est vrai que Napoléon III a choisi son modèle qui était César et que justement, entre Vercingétorix et César, disons que son sens du patriotisme l'orientait vers Vercingétorix, mais sa carrière personnelle lui faisait choisir César. On a le sentiment que Napoléon III fouillera le sol français absolument dans les pas de César. Ah oui, tout à fait. Ça donnera pour l'archéologie quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ah oui, c'est le premier grand projet à l'échelle nationale d'archéologie, ça c'est sûr. Jean-Louis Bruneau, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, archéologue, proto-historien, que nous évoquons Jules César au travers du livre de Jérôme Carcopino. César, c'est avant tout de multiples facettes, un grand lettré, ami des arts, amoureux des hommes et des femmes, paraît-il, guerrier intraitable et fin diplomate. Oui, c'est absolument tout ça. C'est même certainement beaucoup plus que ça, puisque on a quand même les histoires antiques, notamment de Suétone, de Plutarque, qui nous donnent un petit peu toutes ces facettes de sa personnalité ou de son activité. C'est un personnage qui, par beaucoup de caractère, le fait ressembler à Napoléon. Le premier, évidemment, pas le troisième. Et peut-on penser qu'il a vaincu la Gaule indépendante, non pas par les armes, mais par la diplomatie ? Absolument. C'est un diplomate absolument hors pair qui, à la différence, enfin c'est ce que je pense, de notre diplomate actuel, savait aussi de temps en temps manier le bâton, et pas seulement la carotte, et les coups tordus, mais ça je pense que ça existe toujours. Donc effectivement, il jouait sur toutes les cordes de la diplomatie, et la guerre des Gaules n'a probablement existé que dans son ouvrage à lui. On le voit justement, cette diplomatie dans la guerre des Gaules, ce jeu d'alliance sans arrêt entre tribus. On le sent, on le devine quand on interroge vraiment son ouvrage, quand on essaie de lire entre les lignes, parce que César a une écriture très particulière, dont on nous dit qu'elle est un exemple pour les latinistes, pour tous les gens qui se sont affrontés à la langue latine. Elle est d'une concision tellement extrême qu'elle lui permet de cacher justement bien des aspects moins nobles de son activité, et notamment cette diplomatie. Mais quand on pose des questions à cette histoire qu'il nous donne, effectivement, on sent qu'il y a une diplomatie et qui est derrière tout ça, ne serait-ce que pour Alésia, que pour l'activité des Éduins, qui est très curieuse et qui ne s'explique que par des accords diplomatiques avec César. C'est-à-dire que César a retourné les Gaulois à son propre profit contre les armées de Vercingétorix. C'est à peu près ça ? Absolument. Mais bon, dans un sens, il faut aussi se rappeler quand même que ce sont les Gaulois qui l'ont fait venir en Gaule, que la plus grande partie des Gaulois étaient déjà pro-romaine avant même qu'il n'entre sur son territoire. Donc, il a retourné, disons, la partie qui pouvait être rétive. Qu'est-ce que l'on doit voir dans la guerre des Gaules, cet ouvrage absolument magistral, un outil militaire, un outil de propagande? Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent et relisent la guerre des Gaules pour y retrouver des événements, des champs de bataille. Est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher, ou est-ce qu'il faut lire ça avec un autre regard? Je ne sais pas s'il y a une lecture unique de la guerre des Gaules. Disons que si on y cherche un manuel de stratégie militaire, comme l'ont fait tous les princes du Moyen-Âge et de la Renaissance, ça c'est une erreur, parce qu'il suffit de prendre n'importe quelle bataille et en fait on ne comprend rien à sa stratégie, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas les clés de la victoire. Et on si, voit... il est toujours en avance. Oui, ça c'est certain. Ça, c'est, effectivement. C'est la surprise. Voilà, c'est encore une fois ce qu'il fait se rapprocher beaucoup de Napoléon, c'est-à-dire qu'il il agit avec une vitesse absolument extraordinaire et en masse. Et ça, c'est effectivement deux méthodes stratégiques que les deux grands hommes se partagent. Mais hormis cela, ces descriptions de bataille ne permettent pas de comprendre comment les choses se sont passées. Donc, ça n'est pas un manuel militaire. Que ce soit un outil de propagande, ça c'est clair, puisqu'au départ, c'était des rapports destinés au Sénat qui ensuite ont été rapiécés, bricolés. C'est effectivement un outil à la gloire de César, mais qui effectivement est intéressant parce qu'on y trouve des informations qu'on a nulle part ailleurs, et notamment pour cette fameuse campagne de moins 53, où le pauvre César, qui n'a rien à dire parce qu'il ne s'est rien passé, là il choisit de recopier ou de résumer un passage complet du livre de Posidonios consacré à la Gaule, qui sans lui serait presque disparu, pas totalement, mais notamment par exemple la description des druides dans la forêt des Carnus, des choses comme ça. Il n'y a que lui qui le dit, et pour nous c'est une chance extraordinaire. Alors c'est surtout un boucher, on ne dira pas génocidaire, mais on pourra dire boucher. Souvenez-vous par exemple des Éburons. Voilà, les Éburons, qui est un peuple dit belge des Ardennes de Belgique actuelle, qui a été littéralement exterminé, mais dans sa totalité, c'est-à-dire que c'est un peuple qui disparaît de la surface de la terre en quelque sorte, mais même de l'histoire, c'est-à-dire qu'il ne laissera pas de postérité, contrairement à tous les autres peuples, parce que César a laissé ses voisins, enfin il a même demandé aux voisins des Éburons de venir se servir, et donc le peuple a été entièrement exterminé. Il y a aussi Oxolodunum, le dernier passage de la guerre des Gaules, l'ultime bataille, qui curieusement d'ailleurs ne sera jamais écrit par César. Ce n'est pas César qui aurait écrit ce dernier passage. Non, parce que cette dernière année, moins 51 de ce qu'on appelle la guerre des Gaules, c'est quelque chose que César ne veut pas écrire. C'est-à-dire que pour lui, la guerre des Gaules, la conquête de la Gaule s'arrête à Alésia. Et normalement, Alésia marque la fin. Et en fait, ce n'est que 8 ans plus tard, que l'un de ses secrétaires, Hirtius, écrit ce 8e livre, qui est d'ailleurs très intéressant, parce qu'il nous livre effectivement, en quelque sorte, une autre version de cette guerre des Gaules. Donc, une révolte gauloise avec deux Gaulois à la tête, Lucterius et Drapès, le tout enfermé dans une citadelle. On recommence, c'est une sorte d'Alésia. Non, la prise de la bataille sera absolument terrible. Des milliers de mains coupées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais ceci dit, cette révolte de Luther, c'est un petit peu anecdotique. Ce sont des nobles qui se révoltent, mais qui se révoltent pour leur compte personnel, parce qu'ils ne trouvent pas justement leur place dans la nouvelle administration romaine. Je pense que la révolte des Belges, qui dure 4 mois et qui oblige César à faire un siège de 4 mois, qui est plus difficile encore que celui d'Alésia, est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que ce qu'on retient surtout de Xélédunum, ce sont ses mains coupées qui nous effraient terriblement. Pour montrer l'exemple, mais que ça se sache. Mais qui, dans l'histoire romaine, est quelque chose d'une banalité tout à fait consternante. Ce sont des choses tout à fait habituelles. Il faut se souvenir, par exemple, de la révolte de Spartacus. Les gens de Spartacus ont été crucifiés tout le long du parcours sur plusieurs centaines de kilomètres entre Rome et la bataille finale. Par qui ? Par les Romains, enfin les vainqueurs. Donc c'était quelque chose de tout à fait habituel, ce genre de traitement. César, c'est surtout l'eau et le feu. Il existerait donc un véritable mystère César ? Ah oui, absolument. César est un personnage totalement énigmatique, et c'est en cela qu'il est vraiment passionnant. Je pense que s'il y a eu tant de biographies de César, tant d'ouvrages même écrits sur son œuvre ou sa personnalité, c'est que le mystère n'est pas percé, justement. Et quel serait le principal moteur de César ? La gloire ? Oui, très certainement, c'est une gloire, mais qui n'est pas seulement personnelle. Je crois que probablement, il s'identifie à Rome, d'une certaine façon. Il s'identifie à son histoire, il s'identifie à son empire, cet empire en construction. Et il organise ses conquêtes et ses œuvres administratives avec cette arrière-pensée, en quelque sorte. Alors César, c'est aussi un administratif, un gestionnaire, oui, absolument, de Rome, de l'Ulurps, c'est bien ça? Voilà, absolument. Donc c'est quelqu'un qui fait des grandes réformes, parce qu'il comprend très bien que le système romain de la République ne peut plus fonctionner. D'ailleurs, c'est justement le but de l'ouvrage de Jérôme Carcopino, de nous montrer qu'entre -79, la tyrannie de Sylla et l'assassinat de César en -44, 35 années où justement le monde romain va basculer, va passer de cette république qui était au départ bâtie sur la ville, sur l'Urps, qui n'est plus en correspondance avec l'Italie et qui va se transformer en empire. Et son œuvre administrative, donc, c'est quoi en fait ? Son œuvre administrative, c'est beaucoup d'innovations dans la vie politique. Par exemple, la publication des débats, première loi sur la presse en quelque sorte, la réforme du calendrier. Donc, des choses qui sont déjà extrêmement pragmatiques. Jean-Louis Bruno, seul Plutarque aurait à vos yeux décrypté le personnage qu'est César ? Oui, dans un passage qui est tout à fait étonnant, où vraiment on a l'impression d'entendre Freud nous donner une explication quasi psychanalytique de ce personnage hors du commun. Alors que nous dit Plutarque exactement ? Il nous dit que l'activité de César était absolument insensée, perpétuelle, qu'il voulait toujours se dépasser, qu'il recherchait toujours une gloire, et il finit par dire que finalement César était quasiment jaloux de lui-même. Donc, ce qui est vraiment tout à fait étonnant et fascinant. C'est freudien ? C'est tout à fait freudien. Vous pensez qu'il a raison ? Ah oui, je pense que c'est la meilleure analyse qu'on ait faite de la psychologie de ce personnage. Et alors, pourquoi tous les historiens se frottant à ce personnage qu'est César en sont restés au niveau des constats ? Et de ça, on peut en citer beaucoup, Suétone, Montaigne et tant d'autres. Parce que beaucoup de ces historiens ou ces essayistes comme Montaigne ont essayé de chercher un propre idéal chez César. César est tellement une figure emblématique que beaucoup d'hommes se sont penchés sur lui finalement pour trouver une sorte de miroir de leurs préoccupations. Et je pense que ce n'est pas du tout la bonne méthode pour comprendre César. Il faut agir tout à fait autrement. Jérôme Carcopino, lui, nous donne Il a un autre projet, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Voilà, il a un autre projet. Il ne va absolument pas décrire la psychologie ou les conquêtes césariennes. Il va centrer César dans l'histoire de Rome, c'est ça ? Absolument, voilà. Donc lui, il remet le personnage en contexte, donc dans cette histoire de Rome qui est extrêmement touffue, surtout pendant ces 35 années dont je parle, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'Urps Et la vie politique dans Rome n'est finalement qu'une chambre d'enregistrement, une chambre d'écho de tout ce qui se passe dans le monde à cette époque-là, qui est centré sur la Méditerranée. Et donc, les événements qui se passent en Espagne, les événements qui se passent au Proche-Orient ont autant d'importance que les luttes politiques, et que finalement, César est un petit peu porté par ce flot d'histoire. Et que c'est cette histoire avec ces grands personnages dont on a un petit peu parlé, Sylla, Cinna, Lépide, Sertorius, etc., Pompée surtout, qui sont autant d'exemples qui précèdent César et qui lui permettent d'avoir la carrière qu'il aura. Pour Carcopino, c'est la société romaine, les puissances montantes ou déclinantes de Méditerranée qui font César, c'est bien ça ? César et sa destinée ? C'est César, bien sûr, oui, mais c'est surtout le contexte général. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, c'est César qui sait comprendre tout ça et qui sait s'en saisir et qui sait l'utiliser. Alors peut-être aussi ce livre de Jérôme Carcopino est un chef-d'œuvre, tout simplement parce qu'il ne tente absolument pas de convaincre le lecteur. Oui, alors ça c'est quand même un atout. Absolument, et c'est une exception un petit peu dans l'œuvre de Carcopino, parce qu'on a parlé de quelques-uns de ces autres ouvrages qui ont tous une particularité, c'est-à-dire que Carcopino défend une thèse, d'ailleurs de façon extraordinairement brillante, avec une érudition totale, et il se conduit finalement avec l'écriture comme un avocat. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est un livre où il n'est question que de faits objectifs et de tous les faits. Et en fait, si on peut parler de biographie pour cet ouvrage, on pourra parler d'une biographie de 35 ans de la vie de César, qui est pratiquement une biographie à l'américaine. Donc la biographie où on cite tout. On a tous les éléments en main et c'est ce qui fait le prix de cet ouvrage. Mais Carcopino connaît tout le monde, visiblement. Ah, Carcopino connaît tout le monde. Il connaît tous les personnages et Rome absolument par cœur, oui, ayant été, bien sûr, à l'école française de Rome. Vous en commenciez à en parler dès le début, Carcopino le dit, César allait entreprendre une révolution politique pour dissoudre un régime qui ne pouvait plus fonctionner et en créer un nouveau, hein, c'est bien ça? Absolument. Et doit-on voir en Jérôme Carcopino uniquement un historien ? Est-ce qu'il s'appuie aussi un peu sur l'archéologie au travers de ce César magistral ? Ah, il s'appuie beaucoup sur l'archéologie. Comme il était directeur de l'École française de Rome, il a suivi les travaux archéologiques qui ont toujours fait partie de la mission de l'École française de Rome. Et il a été très sensible aux découvertes qui se faisaient à son époque. Quand on parle de notamment de la basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, c'était des découvertes qui étaient toutes récentes au moment où il a écrit. Et surtout, il a écrit sur la découverte de Vix. Il a été très, très sensible à toutes les découvertes de son temps. Pour vous, c'est une œuvre majeure, ça reste l'œuvre majeure de Carcopino, ce fameux César. Il est encore inégalé, il est à lire avant, après le De Bello Gallico. Oh, il est à écrire et il est à lire en même temps. Oui, pour l'instant, il est inégalé par sa puissance, par l'ampleur des faits qu'il examine, par sa bibliographie qui est très, très importante. Et actuellement, il n'y a pas d'œuvre qui soit comparable dans la littérature historique française et dans la littérature allemande, peut-être le Gelser, mais qui ne concerne que la stature de l'homme politique. Donc, c'est vraiment une œuvre unique, quasiment. Et puis, en 1957, Jérôme Carcopino se penchera sur une immense découverte archéologique en Bourgogne, au travers d'un autre livre, Promenade historique au pays de la Dame de Vix. Vous en parliez, il a beaucoup écrit sur ce sujet-là, et dans les années 57, il aurait pu se tromper. S'est-il trompé autour de cette grande découverte d'une tombe princière en Bourgogne ? Non, gauloise, bien sûr. Il ne s'est absolument pas trompé. Donc, il y a vu l'influence de Marseille, qui est effectivement très importante, qu'on a un petit peu passé sous le silence pendant quelques décennies et qui maintenant s'avère tout à fait juste. Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Je rappelle donc le Jules César, chef-d'œuvre de Jérôme Carcopino, republié aux éditions Bartilla. Et puis votre Alésia, 27 septembre 52 avant Jésus-Christ, que vous avez publié chez Gallimard. Le Salon Noir et France Culture viennent de sceller un nouveau partenariat média avec Archéologia et les éditions l'édition Faton. La revue Archaeologia est une institution, 50 années de parution mensuelle et d'actualité, un magazine destiné à un large public et aux professionnels qui, ce mois-ci, se penche sur la vie avant l'invention du feu et de nombreuses découvertes faites notamment en Europe, mais aussi l'exposition sur les Étrusques au Louvre-Lens et bien d'autres événements. Donc, saluons cette union. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir sera consacré à une très belle découverte des tombes de populations, probablement Alano-Sarmate à Obernai. Le Salon Noir avec Vanessa Nadjar, Anthony Thomasson, Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission.